Saint-Père. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Tanguy Pastureau et je vais vous raconter l'histoire du petit garçon et les animaux disparus. Quand le petit garçon se réveilla ce matin-là, il était seul dans sa chambre. D'habitude, Jean Waf, son chien, dormait au pied de son lit. Mais pour la première fois depuis que ses parents avaient adopté Jean Waf, son panier était vide. Aussi vide qu'un sachet de cacahuètes qui aurait rencontré un chimpanzé. Le petit garçon toucha le panier, il était froid. Cela devait faire des heures que le chien était parti. Il appela sa mère, qui s'appelait Maman, puisque toutes les mères s'appellent Maman. « Maman, Jean Waf n'est plus là !»« Ça alors, mon chéri ?» lui dit sa maman. « C'est étrange !»« D'autant plus étrange que les perruches de ton père ont disparu elles aussi !»« Quoi ? Marie-Jaune et Marie-Bleue ne sont plus là ?»« Non, leur cage était ouverte quand je me suis levé ce matin. »« Plus de perruches !»« Plus de perruches !» Le petit garçon réfléchit. Où pouvaient donc se rendre des perruches et un chien, des animaux qui n'ont pas de point commun? Jamais une perruche ne courra derrière un bâton, et le petit garçon ne connaissait pas un chien qui se nourrisse de graines. « J'ai une idée !» s'écria-t-il soudain. « Je vais demander son avis au propriétaire du cirque Zatatapapa, qui est en ville en ce moment. Il connaît tout sur les animaux. Il a des tigres, des éléphants, et même un lama. » Lorsque le petit garçon arriva devant l'entrée du cirque Zatatapapa, il trouva le clown Fifou en larmes. Comme c'était un clown, il pleurait des larmes de toutes les couleurs, très rigolotes. Et quand il se mouchait, ça faisait un bruit de trompette bouchée. « Que t'arrive-t-il, Fifou? Pourquoi es-tu si triste ?»« Si je suis triste, » répondit le clown, « c'est parce que tous les animaux du cirque ont disparu. Quand j'ai voulu les nourrir ce matin, ils n'étaient plus là. » Alors qu'on est mardi, et que le mardi, les tigres ont droit à des nuggets de poulet. Ils adorent ça. Je ne comprends pas. J'ai juste vu un chien, cette nuit, près des cages. Un chien ? S'exclama le petit garçon. Comment était-il ce chien ? C'était, je crois, un petit chien, dit le clown, qui avait l'air très intelligent. Je l'ai surpris en train de lire les horaires du cirque. C'est Jean Waf. Le petit garçon avait reconnu son chien dans la description qu'en faisait le clown. C'était le seul chien au monde capable de réciter l'alphabet à l'envers. Il avait lu les plus grands auteurs et pour se donner l'air encore plus intelligent, il s'était acheté des lunettes. Malheureusement, ses oreilles tombantes empêchaient les lunettes de tenir et il passait des journées entières à les ramasser. Son intelligence avait rendu Jean Waf très sensible au malheur des autres. Dis-moi, Fifou, est-ce que les animaux du cirque étaient heureux ? « Pas tellement, » répondit le clown. « Depuis quelque temps, le lama, Jean Gougoute, s'était mis à cracher sur les spectateurs du cirque. Et les éléphants, Jean Trompe et Jean Oreille, leur tournaient le dos. Ils montraient leurs fesses au public. » « Ce n'est pas très poli, » reconnut le petit garçon. Il commençait à comprendre ce qui s'était passé. Son chien Jean Waf, qui ne supportait pas que les autres animaux soient malheureux, les avait délivrés pendant la nuit. Les perruches de son père, Marie-Jaune et Marie-Bleue, avaient ouvert les cadenas en y introduisant leur bec pointu et tous étaient partis vers un monde plus beau où on était gentil avec les animaux. Mais où ? Le petit garçon courut vers le zoo. Une fois arrivé, le gardien-chef, les sourcils froncés, lui dit « Halte là, petit garçon, on ne passe pas. » Le zoo est fermé. Tous les animaux sont partis. Les flamants roses, envolés. Les singes, volatilisés. Les lions, il n'y en a plus. Je suis seul désormais ici. Le petit garçon dit alors, « Monsieur le gardien-chef, auriez-vous vu traîner dans le coin un petit chien qui perd ses lunettes ?»« Oui, » répondit le gardien-chef. « Un chien très intelligent. Il avait un recueil de poèmes caché dans ses poils et il m'en a lu deux. » « C'est Jean Waf !» s'écria le petit garçon. Ça, je ne sais pas, dit le gardien-chef. Nous ne nous sommes pas dit nos noms. C'est normal, c'était la première fois qu'on se rencontrait. Il faut d'abord apprendre à se connaître. Le petit garçon se mit à réfléchir. C'était donc là aussi Jean Waff qui avait libéré les animaux, ému de les savoir enfermés dans le zoo. Un zoo, un cirque, ce ne sont pas des endroits pour des animaux, se dit le petit garçon. S'ils sont nés, c'est pour évoluer dans leur milieu naturel. Les lions dans la savane, les morses sur la banquise et les poux sur la tête de son copain Théo. En marchant dans les rues de la ville, le petit garçon croisa un monsieur dont le serpent avait disparu et des jumelles de 7 ans et demi qui lui dirent que leurs rats, Jean Quenotte et Marissal, étaient partis. Jean Waff avait libéré tous les animaux de la ville. Soudain, le petit garçon cria « Hourra !» Ça y est, il savait où Jean Waff pouvait avoir caché les animaux. Le chien, au fond, ne connaissait que deux endroits, la maison du petit garçon et l'école où il l'accompagnait chaque matin. Il se précipita, courut de plus en plus vite, jusqu'à faire fondre la semelle de ses baskets, et arriva devant l'école, dont la porte était entrouverte. Il entra, traversa la cour et pénétra dans la classe des CP, qui était plongée dans le noir. Il trouva l'interrupteur, alluma la lumière, et là, oui, là, partout dans la classe, s'étaient répartis des alligators, des flamants roses, des tortues de Floride, des guépards africains, des belettes de la Nièvre et même une petite araignée qui tissait un t-shirt à l'effigie des Kids United. Le petit garçon reconnut même, au fond de la salle, Jean Trompe et Jean Oreille, les éléphants du cirque Zatata Papa. Il baissa les yeux, à ses pieds se tenait son chien, Jean Waff, qui se frottait contre sa jambe avec une grande tendresse. « Je suis heureux de te voir !» dit Jean Waff. « Quoi ?» s'exclama le petit garçon. « Mais tu parles le français, Jean Waff ?»« Bien sûr !» répondit le chien. « J'ai fait beaucoup de progrès dernièrement. Quand je suis seul dans le salon, toute la journée à t'attendre, je regarde l'école à la maison sur France 4. J'ai donc un niveau de CM1. Mais nous ne sommes pas là pour parler de mon intelligence exceptionnelle. Mon petit maître, j'ai délivré tous les animaux prisonniers. » À part les animaux de compagnie, comme les chiens et les chats, qui sont bien chez eux. Tous les autres sont là, avec moi. Je les ai sauvés. Mais pourquoi les as-tu emmenés à l'école ? Demanda le petit garçon. Mais parce que, répondit Jean Waff, l'école, c'est le lieu des enfants. Or, les enfants aiment les animaux. Ils ne leur veulent aucun mal. S'il n'y avait que des enfants dans le monde, crois-moi, les animaux seraient tous très heureux. Ils danseraient, tandis que moi, je chanterais. Tu sais aussi chanter ? Demanda le petit garçon. Je sais tout faire. Répondit Jean Waff. Je suis extrêmement polyvalent. Sais-tu ce que ça signifie ? Eh bien que... Le chien s'arrêta subitement de parler. « Oh non ! Au secours ! » s'écria-t-il soudain. Le petit garçon se retourna et vit dans l'entrebâillement de la porte Fifou le clown et le gardien-chef du zoo qui l'avait suivi. C'était horrible ! Ils allaient reprendre tous les animaux libérés et les obliger de nouveau à amuser les spectateurs. Sauf que... Fifou dit au garçon « Bon petit, toi et ton chien, vous avez raison. On ne doit pas priver les animaux de leur liberté. Nous allons fermer le cirque, mais aussi le zoo, et choisir d'autres métiers, comme clown dans un cirque sans animaux ou gardien de zoo vide. Les gens regarderont les cages vides et pourront imaginer n'importe quel animal à l'intérieur, y compris des animaux qui n'existent que dans leur tête. » Mais, dit le petit garçon, où vont aller les animaux du zoo et du cirque ? Ils vont rester ici, à l'école, répondit Jean Waff. Je vais leur apprendre le français, on leur mettra à tous un pantalon et un pull, sauf pour Jean Gougoute le lama qui a demandé une robe. Bon, et la maîtresse, les voyant déguisés et les entendant parler, pensera que ce sont des enfants, tout simplement. Tu sais, elle n'a pas une très bonne vue. Quant à moi, dit Jean Waff au petit garçon, « je rentre avec toi à la maison. Tu es mon meilleur ami. Je suis bien avec toi. Et j'ai besoin de toi pour réviser mes tables de multiplication. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Non, une autre.